style a bit. We do it better. Avec Chico on a fait des bagarres, avec Baby Boy on a bandit ta sec. Embrouille douce dès qu'il bouge t'attarde et on n'a pas besoin de revenir à 7. J'ai le corps rouillé, je regarde pas la sape. Le grand classico c'est les galactiques. T'as les nerfs quand elle répond pas ta petite. En plus t'as plus de pec, tu vas plus à la salle. Elle veut pas de toi, elle veut l'infinity. Sous minuti plus c'est affinité. Après 3-4 verres elle a la boco. Elle t'appelle mon chéri, y'a plus d'intimité. Dans le M4, je fais du 2,60. 5h du mat, pétard croissant. Balle de 40, pas besoin d'être 300. Là l'inspi elle monte, j'crois que je vais faire 300. Tu connais déjà l'esprit ma B. J'suis busy, ça sert à rien d'appeler. J'ai vu mon reflet dans une AP. Comme un mec en cavale à Marbé. Au niveau du dos y'a que des plaies. Parce que j'ai le bas monde à mes pieds. Et toi t'es plutôt le genre de mec. Tu dis la vérité quand t'as teasé. Pardon pour le mal que j'ai commis. J'suis sur le rang t'es y'a des comiques. Regarde un peu la vie quand même. J'arrive à balle. J'arrive à battre. Compteur bloqué, là j'fais Marseille, Malaga, la petite en Fiat 500 à part. En polo, Polenta, elle a fait un passage. J'ai dit tout mis dans la chatte. Faut être numéro 1 dans les charts. Demande à la gratte. Elle me fait pas de manie, elle m'a connu, j'étais à pâte. J'fais une taille dans un endroit où y'a même plus de réseau. J'me rappelle à l'époque, j'avais pas un peso. C'est bon, t'es qu'elle dit zappé, fais-moi juste un beso. J'vais me lever le matin dans la plus grosse maison. J'ai fait Paris-Marseille, yeah. Dans le fait le revolver, yeah. Avec tous mes camarades, yeah. N'essaie pas de nous diviser, yeah. J'ai fait Paris-Marseille. Traître les petits rageux. Je suis en CP, en pollen car depuis 2002. C'est pas des larmes, c'est la pluie qui coule de mes yeux. Tu me fais la bise, mais je sais qu'au fond tu es vicieux. Marseille Nord, Marseille Sud, nique tes morts. Fils de stup, t'accuses à tort. On se dispute, y'a plus de fort, y'a que des putes. Ça veut prendre ses aises, sans raison, sans aide. Ses aides, ça veut prendre mes ex, mes restes. Je les next. Ils vont finir en psychiatrie si je sors la Bugatti. Ruinard sur mes cicatrices. Nique sa mère l'éducatrice. J'ai deux, trois contacts en tôle. Que tu payes des verres aux folles. Moula, j'ai les doigts qui collent. Viens nos hagas qu'on rigole, ouais. Vaincre la haine, on la fait. Se faire respecter au heps, on la fait. Cavaler, menoter, rafaler, recompter six chiffres, on la fait et le refait. J'suis dans ma ware, j'tiens le pavé. Comme un RS sur la A7, en sens inverse. Je remets à l'heure toutes les Rolex, c'est la légende. À tous les fous, moi on est bon qu'à ça. Je vois des tempêtes, qu'on passe à quoi ça. Ils veulent occuper ma cabessa. Je résiste comme Gaza, Gaza. Tu veux les mapper ça pour montrer les peu ça. Nous pour disparaître. J'car le féfé, repart en charrette. Avec Ali Barrette et les 40 plaquettes. Comme on dit au plaid, faut les inquiller. On va les inquiller. Évite les terrasses, bébé, je suis grillé. Toute la night, je vais la démaquiller. Je sers toujours la plus bonne, mais c'est jamais la bonne. À part ça, tout va peine. On est des hommes, toi t'es juste un garçon. Après ça, tout est réel. J'ai Paris, Marseille. J'ai fait Paris-Marseille, yeah. Dans le fait le revolver, yeah. Avec tous mes camarades, yeah. N'essaie pas de nous diviser, yeah. J'ai Cuba Links, Rolly Rolly Gold Pink, ma gueule. Les diamants dansent sur mon torse comme Michael. J'suis un réfugié politique comme Manolo. Mais le flingue à Tony a dit que le blé passe avant les gros lolos. RS6, 4 anneaux. Sors jamais sans le dos, triple fixe, pas un autre, mais dans les cordes comme Canelo. Bah ouais mon frère, on sort le fer. Je crois que t'as besoin d'un traducteur. C'est pas un featuring, c'est une association de malfaiteurs. Elle aime mon produit comme Maradona. C'est ma cabrona. S-bar c'était des beaters. Et puis j'étais un sort, je suis The Witcher. Vivies, Vivies, je suis le K, appelle-moi le S. Paris c'est ma classico, c'est la Joga Bonito. Sauvé de club, jean Balmain. Et à la jungle, j'écoute, j'y balvine. Tu grattes les couilles, me serre pas la main. C'est juste pour ça que je t'ai fait la bise. Marseille, Paname, t'as l'époque de Papé et Ginola. J'porte un pare-balles et ma cagoule sur la tête, une Prada. J'suis dans la zone, si si fratelle. J'sais même pas comment elle s'appelle. Et dans la loge, récup la quiche, t'es un, l'enlève ses portes, j'artelle. Yo, fuck ton aura, crayon, t'auras appris l'aura, j'suis à aura. de faire, y'a pas besoin. J'ai fait Paris-Marseille, yeah.